commander en ligne, mais faire vivre le commerce en vrai. C'est possible. Et ça s'appelle épicerie.com, avec un Y. La nouvelle application qui soutient les commerces et restaurants de proximité en vous livrant le meilleur de leurs produits dans l'heure. Commandez dès aujourd'hui auprès de vos commerçants lyonnais. Épicerie, vive le commerce vivant! Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire de Califat, ce podcast phare des New York Times qui se targuait de proposer une immersion inédite au sein de l'État islamique, d'où son titre, Califate en anglais, Califat en français, mais qui a viré au scandale 2 ans après sa diffusion, endommageant la réputation du vénérable quotidien. Réalisé et narré par une journaliste star du Times, Rukmini Kalimachi, qui couvrait depuis des années les questions de terrorisme, cette série documentaire a pour personnage principal un mystérieux Canadien de 25 ans qui témoigne sous le pseudo d'Abu Huzaifa. Dans une interview au long cours, il se confie en détail à la journaliste sur sa radicalisation, son recrutement sur Internet, puis son séjour en Syrie et, clou du podcast, avoue sans broncher les exactions sanglantes qu'il a commises. Un scoop en or pour le New York Times qui lui a valu les prix les plus prestigieux et le respect de toute la profession. Oui, mais voilà, tout cela n'était qu'un énorme fake, une escroquerie, car le soi-disant combattant de l'État islamique était un mythomane, un jeune abreuvé de contenu radicalisé sur YouTube et sur les réseaux sociaux. En vérité, cet énergumène n'a jamais mis un pied en Syrie. Notre invité aujourd'hui, Martine Laroche-Joubert, l'une des grandes reporters les plus connues de France, réalisatrice de documentaires et autrice du livre « Une femme au front ». Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Isabelle Maillot, coordination Christophe Barrère, réalisation Stéphane Combe. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. C'est un article d'un format très rare que publiait hier le grand quotidien new-yorkais puisqu'il émet des doutes sur certains articles et podcasts de Rukmini Kalimachi, une pointure dans le journalisme international de cette dernière décennie et particulièrement réputée, vous l'avez dit Guillaume, pour sa couverture du groupe État islamique en Syrie et en Irak. Dans ce module, daté du 11 octobre 2020, intitulé « Une arrestation au Canada jette une ombre sur une star du New York Times », Ben Smith, journaliste à la rubrique Média du journal, joue l'exercice de la transparence sur l'affaire Califa, 2 semaines seulement après que celle-ci a éclaté. Un exercice périlleux qui consiste pour Ben Smith à enquêter sur sa propre rédaction afin de déterminer ce qui a conduit à ce qu'il n'est pas exagéré d'appeler un accident industriel pour le New York Times. Comme il le note lui-même avec humour dans ce papier qui fera date, écrire sur le New York Times en étant payé par ce journal provoque tout un tas de conflits d'intérêts potentiels, et c'est de façon générale une sorte de cauchemar, écrit-il. Bien, pas très optimiste. Mais alors, que s'est-il passé exactement? Comment Califa, ce programme de podcast documentaire lancé en grande pompe 2 années plus tôt, a-t-il pu connaître pareille disgrâce? Rukmini Kalimachi est mise en cause suite à l'arrestation au Canada d'un homme canadien qui prétendait avoir été combattant de Daesh en Syrie et dont le témoignage avait alimenté le podcast de la journaliste du Times diffusé depuis 2 ans, 10 épisodes de reportage audio intitulé Califa et centré justement sur ce récit de l'ancien djihadiste canadien. Sauf que la justice canadienne a de bonnes raisons de croire que l'homme qu'elle a arrêté est un mythomane qui n'a jamais mis les pieds au Moyen-Orient ni combattu pour le groupe État islamique. Fin 2016, ce jeune Canadien rencontre la journaliste Rukmini Kalimachi dans les environs de Toronto, où il réside. Dans la chambre d'hôtel de celle-ci, il se livre comme jamais aucun djihadiste ne l'avait fait avant lui. Abu Huzaifa, c'est son pseudo, revient en particulier sur son enrôlement au sein de la police interne, de l'organisation terroriste, et les châtiments qu'il était en charge d'y administrer. Mais aussi sur les exécutions de prisonniers de guerre venus d'Irak. Pour Rukmini Kalimachi, 4 fois finaliste du prix Pulitzer, c'est une exclue incroyable, tellement incroyable, que la journaliste néglige des indices essentiels à l'enquête. Aux dates où Abu Huzaifa prétend s'être rendu clandestinement en Syrie, il n'y a aucune trace sur son passeport de son passage par la Turquie. après la révélation du poteau rose en septembre 2020, le directeur de la publication du New York Times, Dean Baquet, justifiera les erreurs du journal, affirmant qu'ils étaient tous tombés amoureux de cette histoire. Le scandale sera surtout l'occasion de révéler publiquement les débats internes à la rédaction au sujet des méthodes de travail de Rukmini Kalimachi, dont les lacunes en matière d'éthique avaient souvent été pointées du doigt. Je m'appelle Rukmini Kalimachi, je suis journaliste au New York Times où je suis chargée de couvrir Al-Qaïda et ISIS. J'aimerais beaucoup en apprendre plus sur l'État islamique et votre expérience au sein de celui-ci. Au début des années 2000, Rukmini Kalimachi est chef de bureau à Dakar pour l'Associated Press. Elle couvre l'actualité régionale. En 2011, elle se trouve à Abidjan lors des derniers jours sanglants du régime de Laurent Gbagbo, qui a perdu l'élection présidentielle l'année précédente, mais qui refuse de quitter le pouvoir. 20 journalistes se réfugient alors dans la chambre d'hôtel de Rukmini Kalimachi, quand des soldats armés débarquent pour menacer la presse internationale. Dans un français impeccable, la reporter revenait sur cet épisode en mai 2020, dans l'émission de radio canadienne intitulée « Notre envoyé spécial ». On était une vingtaine, peut-être 25 personnes, dans une seule chambre d'hôtel. Donc, carrément, tous les recoins de la chambre étaient occupés par des gens assis. Donc, tout le lit. J'avais deux collègues qui se sont mis sous le lit. Ils essayaient de se cacher. Trois personnes, je crois, étaient dans la salle de bain. Trois, quatre étaient sur la petite canapé qui était à côté de la fenêtre. Et dans ma tête, moi, je me disais... Certainement, ces soldats, ils sont là peut-être pour voler des choses à manger ou bien pour voler la caisse de l'hôtel. Je croyais que c'était un vol. J'ai pas imaginé qu'ils nous cherchaient, qu'ils cherchaient les journalistes. En février 2013, la reporter est à Tombouctou quand l'armée française reprend le nord Mali aux terroristes. Alors que la ville est saturée de journalistes venus couvrir l'événement, Rukmini Kalimachi a l'idée d'aller fouiner du côté des immeubles tout récemment abandonnés par les membres d'Al-Qaïda. Sac poubelle en main, elle collecte des liasses de documents. Parmi ceux-ci se trouve un mémo d'une dizaine de pages signé par le chef d'ACMI en personne, dans lequel celui-ci s'adresse à ses lieutenants comme un PDG à ses cadres sup, écrit la reporter. Cette incursion au cœur des communications internes d'Al-Qaïda est inédite et voue à Rukmini Kalimachi d'être nominée pour le prix Pulitzer qui récompense chaque année le meilleur du journalisme américain. Repérée par le New York Times, elle est embauchée l'année suivante par le célèbre quotidien pour couvrir le sujet le plus complexe, le plus dangereux, mais aussi le plus vendeur de l'époque, le terrorisme islamique. Pour la journaliste de 40 ans, c'est la consécration. Dès lors, elle déménage à Beyrouth et passe plusieurs mois par an en Syrie et en Irak. Dans le premier épisode du podcast Khalifa, qu'elle co-présente avec le producteur Andy Mills, elle défend avec ardeur la nécessité de se rendre sur place et quels que soient les risques encourus. So look, every reporter tu vois, n'importe quel journaliste qui couvre les guerres et les conflits sait que tu dois être là, tu dois être sur le terrain si tu veux comprendre ce qui se passe. Moi, j'essaye de comprendre Daesh. Et s'il y a bien une chose que j'ai apprise dans mon métier, c'est que si tu arrives dans les locaux qu'ils occupaient juste après leur départ, mais vraiment juste après, souvent, tu vas pouvoir tomber sur des documents qu'ils ont laissés dans leur fuite. Avec l'émergence de l'État islamique, l'accès des journalistes au terrain est plus limité. Dans le nord de l'Irak, au-delà du mont Sinjar, les territoires occupés par Daesh sont inaccessibles aux reporters. C'est donc en ligne qu'il faut aller à la pêche, aux infos. Ça tombe bien, Rukmini Kalimachi est une experte des réseaux sociaux. Sur l'application cryptée Telegram, mais aussi sur Twitter, Instagram, elle navigue sur les forums fréquentés par les djihadistes et réussit à entrer en contact avec plusieurs dizaines d'entre eux. Car si les purs et durs de Daesh refusent, par principe, de parler à une journaliste occidentale, ce n'est pas le cas de tous ceux qui gravitent à la marge du groupe. Opérant sous pseudo, ses interlocuteurs à l'identité nébuleuse et le caractère souvent invérifiable de ce qu'ils avancent fait que la reporter ne peut pas les citer comme d'autres sources plus traditionnelles. Ces échanges réguliers lui permettent en revanche de glaner de précieux renseignements pour ses enquêtes. Au lendemain des attentats de Bruxelles, en mars 2016, Rukmini Kelimachi était la première à relayer la réaction du compte Khalifat News, comme on l'entend dans cette chronique sur France Culture. On le sait, la bataille terroriste se joue aussi sur les réseaux et cette bataille est très organisée. Oui, et on en a eu une preuve supplémentaire donc et flagrante. C'est une journaliste du New York Times, Rukmini Kelimachi, qui suit en particulier la Syrie depuis Beyrouth, où elle est stationnée, qui en fournissait un exemple sur son compte Twitter. Hier donc, quelques heures après les attaques, elle mettait en ligne la capture d'écran d'un message envoyé par un compte djihadiste qui s'appelle Khalifa News via une application de messagerie du nom de Telegram. Ce message est très explicite et je vous le cite. Veuillez s'il vous plaît prendre part à la bataille en ligne sur Twitter et déchaîner la puissance des hashtags que nous vous avons fournis avec toute l'actualité de l'État islamique. À l'inverse, avec un compte Twitter suivi par plusieurs centaines de milliers d'abonnés, Rukmini Kelimachi est très visible sur ce réseau dont elle dit se servir comme d'un carnet de notes. Sur les forums djihadistes qu'elle fréquente, elle constate que son nom revient de plus en plus souvent. Elle est parfois insultée, moquée, et s'en amuse avec autodérision comme on l'entend ici dans l'épisode 1 du podcast Khalifa. Je crois qu'ils ont compris que j'étais susceptible sur mon poids. Donc parfois, ils m'appellent Winkmini au lieu de Rukmini. Wink comme un cochon. Ou alors grosse machine. Désolée, je ris parce qu'il y a quelque chose d'ironique à se faire traiter de grosse par Daesh. Typiquement, ils vont faire des vannes sur le fait que j'ai pris un ou deux kilos après avoir regardé ma dernière apparition à la télé ou ce genre de choses. Oui, mais parfois c'est moins drôle, car sur ces mêmes réseaux, Rukmini Kelimachi est menacée de mort. En 2015, alors qu'elle vit à New York, elle reçoit un coup de fil du FBI qui lui apprend qu'elle est l'objet de menaces ciblées venant de l'État islamique. Après cette alerte, elle dispose désormais d'un numéro de téléphone d'urgence pour joindre le commissariat de son quartier. Donald Trump vient de déjouer tous les pronostics et les sondages qui le donnaient battu il y a encore 24 heures. À 70 ans, l'homme d'affaires new-yorkais va devenir le 45e président des États-Unis. En janvier 2017, alors que Trump vient d'être élu président des États-Unis, le New York Times lance son premier podcast d'actualité, The Daily, c'est son nom. Il décrypte chaque jour, en 22 à 25 minutes, un sujet différent avec un reporter de la rédaction. Le succès de ce format est aussi média qu'inattendu. Numéro 1 de podcast aux États-Unis en 2018 et 2019, The Daily fédère aujourd'hui 4 millions d'auditeurs quotidiens. Lancé par une équipe de 4 personnes, le département audio du New York Times en embauche maintenant une trentaine. Au-delà du prestige, le podcast est aussi un marché très lucratif, puisque le département audio du journal engrange 29 millions de dollars par an, rien que ça. En parallèle du Daily, la rédaction cherche à développer un autre type de podcast tout aussi ambitieux. Du journalisme dit d'investigation au long cours, sous la forme d'une série documentaire. Le tout nouveau producteur du département audio, Andy Mills, pense immédiatement à la star maison, Rukmini Kelimachi, bien que celle-ci n'ait pas d'expérience en radio. Mais bon, avec sa capacité à rendre accessibles les thématiques complexes du terrorisme international à un large public, elle fera l'affaire. Oui, elle saura rendre compte avec talent de son métier de reporter aux frontières de l'État islamique. Dans une interview donnée en mai 2018 au podcast The Kicker, spécialisé dans l'analyse des médias, la journaliste explique les circonstances dans lesquelles on lui a proposé de travailler sur ce nouveau format. Pour être tout à fait honnête, c'est Andy et notre rédac-chef, Sal Dolnick, qui sont venus me voir en 2016 pour me demander si ça m'intéressait de faire un podcast. J'adore les podcasts. J'étais une grande fan de Serial. Donc c'était intriguant comme proposition, même si je n'avais aucune idée de ce qu'ils avaient en tête et de ce que ça pouvait impliquer. Ce sera donc Khalifate, Khalifa en français. Ainsi est baptisé, puis lancé en fanfare le 19 avril 2018 sur les plateformes d'écoute ce podcast prometteur et un brin racoleur. Composé d'un prologue et de 10 chapitres, il est narré par le binôme Rukmini Kelimachi et Andy Mills. Tandis que Rukmini raconte à la première personne les coulisses du métier, Andy la suit avec passion dans ses dangereuses aventures et l'interroge, candide, sur tout ce qu'il ne comprend pas. Dès le prologue, intitulé peu sobrement « La mission », le ton est donné. Dans cette intro très anxiogène, dont l'esthétique n'est pas sans rappeler celle des séries télé 24 heures chrono ou Homeland, l'une des premières voix qu'on entend est celle de James Foley, le premier otage américain à avoir été exécuté par Daesh. C'était en 2014. Puis, dans cette même veine sensationnaliste, Rukmini Kelimatchi récapitule les différents attentats survenus aux États-Unis et en Europe, revendiqués par l'État islamique. Et elle fait le constat assez vague qu'on ne sait toujours pas qui ils sont. Cette rhétorique du « nous contre eux » sera un fil rouge narratif des 10 épisodes. On entend ici Rukmini Kelimatchi dans le prologue de Khalifa. Elle fait le bilan de 20 ans de guerre contre le terrorisme. Malgré les milliards de dollars que nous avons dépensés, malgré les milliers de vies perdues, à la fois au sein de notre armée et des populations civiles prises entre deux feux, il y a aujourd'hui plus de terroristes qu'à la veille du 11 septembre. Imaginez, il y a aujourd'hui plus de groupes terroristes et pas moins. Et ces groupes, plus de façons de passer à l'attaque, plus de stratégies, plus d'outils à leur disposition pour le faire. Ils sont plus nombreux aujourd'hui qu'hier. Après ce prologue idéal pour cauchemarder et un premier épisode intitulé « La reporter », les 5 suivants sont consacrés au témoignage fracassant d'un jeune homme canadien qui affirme avoir combattu au sein de l'État islamique en Syrie en 2014. Son nom de guerre, comme aime le dire Rukmini Kelimatchi, c'est Abu Uzaifar. Puis le binôme Rukmini Hamdi part en Irak couvrir la bataille de Mossoul, avant de conclure par 2 épisodes consacrés au témoignage de victimes yézidis de Daesh. France Inter, affaires sensibles. C'est sur Instagram que Rukmini Kelimatchi découvre Abu Uzaifar. En 2016, ce Canadien met en ligne des photos qui suggèrent que ce jeune homme souriant est proche de certains milieux djihadistes, et peut-être même plus. Sur les photos, par exemple, une plage en Syrie sur laquelle on voit de jeunes garçons les pieds dans l'eau, armes automatiques en bandoulière, assorties de commentaires équivoques. Lui qui a été sur le champ de bataille soutient les frères qui se battent sur le terrain, peut-on lire. On fait difficilement plus compromettant, cela dit au passage. Intriguée, la journaliste passe par un réseau social pour trouver son adresse mail. À sa grande surprise, le témoin accepte tout de suite d'échanger avec elle par téléphone. Puis, quand elle lui propose, il est d'accord pour qu'elle vienne le rencontrer chez lui, à côté de Toronto. Comme elle le raconte dans le premier épisode de Khalifa, Rukmini Kalimachi, en bonne journaliste, pose tout de même des questions sur cette nouvelle source. Le fait qu'il ait dit oui tout de suite et que ça a été si facile d'entrer en contact avec lui, ça commençait à me titiller. Je me suis dit, est-ce que je ne suis pas en train de louper quelque chose? Est-ce que ce n'est pas bidon? Qu'à cela ne tienne, Rukmini part avec Andy, direction Toronto. Abou Zarfa arrive avec une heure de retard au rendez-vous. Mais il finit par frapper à la porte de la chambre d'hôtel des journalistes. Là, ce fan de Star Wars et de jeux vidéo, allure banale d'un garçon introverti, leur fait un récit extrêmement convaincant de sa radicalisation en ligne, depuis les documentaires sur Guantanamo vus à la télé jusqu'aux prêches d'islamistes hardcore dégotés sur les forums internet. De la même façon, il narre dans les plus petits détails son enrôlement dans l'organisation terroriste. La façon, par exemple, dont son contact à l'État islamique lui fait parvenir un mode d'emploi pour l'aider à préparer son départ, achat des billets d'avion, excuses données à la famille pour partir. Il raconte aussi comment, à son arrivée à Istanbul, il est pris en charge par un intermédiaire qui le fait entrer en Syrie avec un groupe de nouvelles recrues. Et il insiste sur le fait qu'ayant peur de mourir sur le front, il est assigné à un poste plus en retrait, dans la section Amniyat, soit la sécurité intérieure de l'organisation. Rukmini Kalimachi en est familière, ça fait un an qu'elle enquête sur ce groupe. Abou Zafar y est chargé, dit-il, de faire respecter les règles strictes de la vie en communauté au sein de l'État islamique. Cela va de la longueur des barbes à la façon de porter le hijab. Il raconte aux journalistes avoir donné 115 coups de fouet à un homme dont la femme était vêtue de façon inappropriée. Puis vient le cœur de son récit. Abou Zaifar avoue avoir participé en deux occasions à des exécutions de prisonniers de guerre. Extrait du podcast. Comment Daesh vous prépare à tuer des gens? On avait des poupées pour s'exercer. On avait aussi des gels balistiques. Donc ça ressemblait à de la chair humaine et à l'intérieur de ces gels balistiques, il y avait des genres de sacs qui imitaient les organes vitaux. Et tu pouvais trancher, découper, poignarder et donc t'entraîner. On tirait dessus aussi pour voir les dégâts qu'une balle pouvait faire. C'était un peu comme faire médecine. Ça, c'est ce que vous appreniez pendant votre entraînement. Oui, oui. Il fallait savoir décapiter une tête. Consciente de tenir un scoop, Rukmini Kalimachi convient avec Abou Zarfar de le retrouver le lendemain pour continuer l'interview. Mais le matin suivant, elle reçoit un texto laconique du jeune Canadien qui lui dit « Désolé, je laisse tomber ». Consternation chez les deux journalistes. Et puis ils apprennent qu'Abou Zarfar a été contacté le matin même par la police canadienne. Appelé par son journal à couvrir la bataille de Mossoul, qui se terminera en juillet 2017, Rukmini n'a pas le temps d'approfondir. C'est seulement quelques mois plus tard, alors qu'elle rentre d'un énième reportage en Irak, courant 2017, qu'elle relit ses notes sur Abou Zarfar. Et elle retrouve les photos qu'elle a prises du passeport du jeune homme. Là, raconte-t-elle, dans le sixième épisode du podcast, elle a un mauvais pressentiment. S'il n'y a pas de tampon indiquant son entrée en Syrie, ce qui est logique, puisqu'il l'a fait de façon clandestine, il n'en a pas non plus indiquant qu'il soit entré ou sorti de Turquie. Ni en février 2014, comme il l'a prétendu pendant leur unique interview, ni à aucun autre moment de cette année-là. À ce stade de l'enquête, ce témoignage est déjà dans les tuyaux pour devenir le cœur du podcast. Mais cette histoire de tampon manquant est quand même très embêtante, et pour cause. Le passeport d'Abou Zarfar était jusqu'ici la seule preuve matérielle en possession des journalistes. Le New York Times active alors son vaste réseau pour s'assurer de l'authenticité du témoignage. Le correspondant du journal à Karachi réussit à retrouver l'adresse des grands-parents pakistanais d'Abu Zarfar, puis à joindre son père, et celui-ci est catégorique. Son fils a tout inventé, il n'est jamais allé en Syrie. Mais on ne doit pas exclure que le père mente pour protéger son fils, ce serait bien naturel. Puis une pointure du service vidéo du New York Times parvient à analyser le téléphone d'Abu Zarfar. Il y trouve une photo, une seule, qui aurait été bien prise en Syrie. C'est un peu maigre, bien qu'encourageant. Mais reste cette histoire de passeport, éternel caillou dans la chaussure de Rukmini Kalimalchi, qui se prend à rêver qu'Abu Zarfar est peut-être entré en Syrie avec un faux passeport, et ça expliquerait tout. C'est finalement une info trouvée par des journalistes du New York Times à Washington qui fait pencher la balance en faveur du récit d'Abu Zarfar. Selon eux, deux sources proches du gouvernement pensent que le jeune Canadien était bel et bien actif en Syrie en 2014. À ce moment-là, c'est Andy, le binôme de Rukmini, qui se pose des questions sur la possibilité que leur source leur ait menti, comme on l'entend dans cet extrait de l'épisode 6 de Khalifa. Ça ne me fait pas plaisir de dire ça, mais... Et si c'était une arnaque super bizarre? Si ça s'avérait être un fantasme, alors ce serait le fantasme le plus étrange et le plus incarné que je n'ai jamais entendu. Entre sa rencontre avec les journalistes de New York Times en 2016 et la diffusion du podcast en 2018... Abu Zarfar a également accordé une interview à la chaîne de télé canadienne CBC News, dans laquelle il réitère avoir été membre de l'État islamique en Syrie, et bien en 2014, mais il nie cette fois, et la différence est de taille, y avoir tué ou même violenté qui que ce soit. Diffusée des mois avant Khalifa, cette autre version de son récit n'est même pas mentionnée dans le podcast américain, dont les auteurs semblent convaincus d'avoir simplement su mieux s'y prendre avec cette source que la concurrence. S'ils le disent. À sa sortie, en avril 2018, Khalifa est un triomphe. Le podcast rafle cette même année un Peabody Award, le prix de journalisme américain le plus prestigieux pour les formats audio. Le New York Times confirme ainsi son statut de poids lourd sur le marché des podcasts, mais aussi sa capacité à pratiquer un journalisme sexy dans la forme, sérieux sur le fond et à inventer de nouveaux formats. Sa sortie, en tout cas, provoque des conséquences politiques très concrètes. Devant le Parlement canadien, la députée conservatrice Candice Bergen s'étonne qu'un terroriste puisse vivre au Canada après avoir tué des gens en Syrie sans être inquiété. Combien de djihadistes comme lui se trouvent actuellement en liberté sur leur territoire? Ces débats houleux poussent le gouvernement libéral de Justin Trudeau à renoncer à son projet de rapatriement des femmes et enfants de djihadistes canadiens. Il faut ensuite attendre deux longues années et demie pour que les doutes qui avaient effleuré les auteurs du podcast refassent surface et avec fracas. En septembre 2020, en effet, Abu Zarfar, qui à l'état civil s'appelle Shehroz Chaudhry, est arrêté par la police locale, comme l'explique ici le présentateur du podcast d'actualité canadien Canada Land. En septembre dernier, la gendarmerie royale canadienne a accusé Shehroz Chaudhry, 25 ans, résident à Burlington, de canular terroriste. Car s'il est illégal d'être terroriste au Canada, il l'est tout autant de prétendre en être un. Et si la gendarmerie a raison et que Shehroz Chaudhry n'a jamais été terroriste, ni un membre de Daesh opérant sous le pseudo Abu Huzayaf al-Kanadi, si tout ça est faux, alors une bonne partie du podcast Khalifat est complètement fausse elle aussi. À l'annonce de cette arrestation dramatique pour la réputation du New York Times, la direction du journal lance deux enquêtes en interne, une façon de montrer sa capacité à reconnaître ses erreurs. Mais bien avant que celle-ci n'ait le temps d'aboutir, de nombreuses voix s'élèvent contre les méthodes de travail de Rukmini Kalimachi. Exagération, témoins peu crédibles, contresens, c'est la curée. D'autant que certaines controverses avaient déjà connu un écho public, comme ce scoop publié en avril 2018 dans le journal qui s'appuyait sur 16 000 documents rapportés d'Irak par la reporter. Des intellectuels irakiens s'étaient alors, à juste titre, indignés que ces documents historiques soient arrachés à leur pays à l'heure où celui-ci venait de reconquérir la ville de Mossoul. D'autres sortent au grand jour pour la première fois. À la stupéfaction générale, le frère de James Foley, cet otage américain assassiné par l'État islamique en 2014, a rapporté la façon dont Rukmini Kalimachi l'aurait harcelé quelques jours seulement après la mort traumatisante de son frère et menacé de publier des éléments sur les tortures subies par James Foley si la famille de celui-ci refusait d'accorder à la journaliste l'interview qu'elle réclamait. Dans une enquête d'octobre 2020, à la rubrique Médias du quotidien, on apprend également que les graves lacunes éthiques de Rukmini Kalimachi causaient depuis plusieurs années des dissensions en interne et avaient même poussé vers la sortie la chef du bureau à Bagdad, Margaret Cocker. Et que malgré tout, la journaliste vedette avait continué d'être protégée par sa hiérarchie. En décembre 2020, le New York Times finit par conclure que la déontologie n'a pas été respectée dans le califat. Une version expurgée du podcast est alors mise en ligne, avec en introduction de chaque épisode un correctif d'une minute. Dans une interview donnée à la chaîne de radio américaine NPR, Dean Beckett, le directeur de publication du journal, assume la responsabilité collective des erreurs commises et bien sûr, il tente de justifier position infernale. Je crois qu'on a adoré le fait qu'un membre de l'État islamique était prêt à nous raconter à quoi ressemblait sa vie au sein du califat et les crimes qu'il avait commis. Et pour être honnête, je crois qu'on était tellement emballé par cette histoire que quand on a eu sous les yeux la preuve que peut-être il affabulait, que peut-être il avait en partie inventé des choses, nous n'y avons pas suffisamment prêté attention. La conséquence de tout ça, c'est qu'on a construit un récit très ambitieux qui n'avait pas été fact-checké de façon très sérieuse. Et c'est comme ça qu'on s'est trompé. En octobre 2021, Shiro Chaudhry, alias Abu Uzarfar, est finalement relaxé par la justice canadienne. Celle-ci estime que son canular est plus le reflet de l'immaturité du jeune homme que d'intentions sinistres ou criminelles de sa part. La cour conclut que M. Chaudhry n'était jamais allé en Syrie et n'avait participé aux activités de l'État islamique nulle part dans le monde. L'avocat de Chaudhry souligne que, malgré la médiatisation internationale de cette affaire et le stress lié à une éventuelle condamnation, son client avait réussi à obtenir un diplôme universitaire et trouver un emploi. Bref, un type équilibré au bout du compte. Pendant son procès, l'accusé de 26 ans dit regretter avoir donné ses interviews à la presse. Peu après avoir rencontré l'équipe du New York Times, il faisait déjà marche arrière face à la police canadienne à qui il a avoué avoir tout inventé. Et ce, des mois avant la diffusion du podcast Califa. Il vit aujourd'hui chez ses parents, dans la banlieue de Toronto. Après ce tollé, d'autres accusations refont surface concernant Andy Mills cette fois. Alors qu'il n'avait pas été sanctionné par le New York Times, suite aux révélations sur Khalifa, il est accusé par plusieurs femmes de harcèlement sexuel. Et il démissionne en février 2021. Rukmini Kalimachi, elle, travaille toujours à temps plein au New York Times, mais elle a changé de rubrique, elle couvre désormais l'éducation. Today, we're gonna speak on the subject of lies. You know, when we think about lies, we think about cheaters, deceivers, con artists, anything in that vein. But the main thing that they have all in common is fear. Just think about it. Liar, liar, pants on fire. Hang your laundry on the wire. Little money in your pocket and some icing on the cake. If you wanna ride free, you better find another way. Take it down to bed and make it down the way you know. Check it out. Dug yourself in a hole, but you can't find a way to get out now. 6 feet in the ground, ash to ashes, but you can't climb out. They say if it's done in the dark, it's gonna come to light. Maybe hidden for a while, but rises fully to plain sight. The naked eye won't see it all. Hope they believe it all. You fiending more, but when they keep you people, you proceed to fall. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'histoire du podcast Califat, dont nous parlons avec notre invitée Martine Laroche-Joubert. Bonjour. Bonjour. Longue carrière de grand reporter à France 2, réalisatrice de documentaires et autrice de livres, Une femme au front. Alors, vous savez, j'ai fait un cauchemar réveillé tout à l'heure. Je me suis imaginé dans la situation, affaire sensible, raconte une histoire sur la base d'un témoin qui n'était pas un bon témoin. Et c'est une catastrophe. Je rassure les auditeurs, ça n'arrivera pas. Nos sources sont fiables, mais... Comment on se remet d'un truc pareil? Quel est votre regard de professionnel sur cette histoire-là? Et après, on passera à autre chose. Ah, je pense que je suis assez consternée. Hein. Et je pense que c'est un coup très dur pour la réputation du New York Times. Ce que je pense peut-être, c'est qu'ils ont été emballés, comme ils disent. Il faut jamais se laisser emballer. Ah, amoureux de cette histoire. Ouais, amoureux ouais. de cette histoire. Et je pense aussi qu'il devait y avoir des raisons financières, comme le podcast, vous l'avez dit, les podcasts marchaient très bien, ah oui. que ça représentait des millions d'euros. Leur vigilance a été en quelque sorte endormie. Et qu'ils ont cédé à la pression de faire un scoop, à la pression financière. Et c'est vrai qu'un journaliste, il passe son bac tous les jours finalement. Ou vous êtes là et vous racontez la bonne histoire, ou et le lendemain vous n'êtes pas là, vous êtes ailleurs et vous êtes traîné plus bas que terre par vos rédacteurs en chef. Donc c'est vrai qu'il y a une pression. C'est vrai que à la télé, par exemple, quand on fait le journal de 20 heures, il y a des mesures d'audience et le lendemain, le patron de la rédaction, il a les chiffres minute par minute. Et ils voient ceux qui ont zappé ou ceux qui sont restés. À partir de 9h du matin, la fameuse exactement, heure. Exactement, exactement. Et c'est minute par minute. Ouais. Donc, il y a aussi une pression de l'audience, plein de pression. Mais il faut savoir quand même, je pense, résister au mieux. Parce qu'au début, elle réagit en bonne journaliste. Elle se pose, c'est ça qui est terrible. Elle se oui. pose des questions et elle cesse à un moment de se poser des questions. C'est intéressant ce que vous dites, pas tomber amoureux d'une histoire, mais quand on est... grand reporter, et qu'on, même reporter tout court, et qu'on est confronté à des réalités dramatiques, des réalités humaines, comment on fait pour mettre une frontière, ou est-ce qu'il faut toujours mettre une frontière après tout? Il faut ne pas se laisser gagner par la propagande. Si on parle des conflits, par exemple, il y a toujours la propagande de tous les côtés. Il y a de la propagande au niveau de ceux qui attaquent, de ceux qui bombardent, par exemple. Et il y a aussi de la propagande du côté des victimes. Si on parle de l'Ukraine actuellement, bon, évidemment, je ne parlerai même pas de la propagande russe qui est complètement nulle, mais même... l'Ukraine, il y avait une histoire très belle. Au début, on racontait ce pilote, le fantôme de Kiev, qui avait abattu 40 avions russes, etc. Enfin, un récit, quoi, déjà. Voilà, c'était déjà une belle histoire qui allait dans le sens de la bravoure de l'Ukraine, sauf que l'histoire n'était pas vraie. Vous voyez, ouais. Donc à la télé, tous les jours, on reçoit des dizaines, des dizaines et des dizaines d'images. Certaines sont justes, mais d'autres pas. Elles viennent de militants qui disent que ça s'est passé à tel endroit, tel jour. Mais non. Donc c'est pour ça que toutes les images doivent être vérifiées. Donc il faut pas se laisser emballer. Non. Même si c'est quelquefois difficile, quand vous êtes, par exemple, les rebelles contre un dictateur ou quelque chose comme ça. C'est touchant, on a envie. Bien sûr, c'est touchant. Je l'ai vécu en Syrie, je l'ai vécu en Libye. Et je me reproche quelquefois, vous voyez. Je me reproche... les gens que j'ai connus étaient vraiment des gens sincères, mais peut-être n'ai-je pas été assez attentive à tout ce qu'il y avait autour ou tout ce qu'il y avait en sous-main. Ça dit, on sait aussi que le reporter, sa mission est difficile parce qu'il n'a pas une vue globale. Il a une vue du terrain sur lequel il se trouve. Et peut-être que la globalité, l'environnement, va mettre à mal ses analyses à partir de ce qu'il voit. Donc c'est difficile aussi. Le reporter ne voit que ce qu'il voit, il ne voit pas le global. C'est vrai. Mais en même temps, maintenant, il y a Internet. C'est vrai. Voilà. Ça a changé. Avant, mais quand oui. on était sur un terrain, je me rappelle, en Afrique... Vous aussi, je parle oui, c'est ça, voilà. Mes années de reporter. Voilà, Vos années de reporter, en effet, vous aviez un tout petit bout de lorgnette. Ouais. Maintenant, non. C'était compliqué, ça. C'est vrai que maintenant, je ne suis plus reporter depuis Internet. Ça a changé les choses. Effectivement. Vous avez rencontré... Non, je crois que vous ne l'avez pas rencontré, Rukmini Kelimachi. Non, je ne l'ai pas rencontré, mais j'ai été sur les mêmes terrains. J'ai interviewé des djihadistes aussi, mais c'était des djihadistes qui étaient en prison, détenus par les Kurdes. C'est toujours difficile d'interviewer quelqu'un qui est en prison, donc chaque fois, je spécifiais bien qu'il était en prison et qu'il parlait donc sous le contrôle de leur geôlier, vous voyez, donc voilà. Et je me souviens en particulier d'un djihadiste en Syrie, prisonnier donc, et il avait un visage complètement enfantin, je vous dirais presque un visage d'ange. Il aurait pu être mon fils. Et il expliquait qu'il avait rejoint l'État islamique par goût de la pureté de l'islam, mais qu'il n'avait jamais combattu. Parce qu'il m'avait dit, ce sont les émirs qui combattent, pas les gens comme nous. Et à côté de lui, il y avait un autre djihadiste. Alors lui, il était turc. Et lui, on n'avait rien compris dans son histoire. C'était un étudiant. Et il venait faire, en quelque sorte, son stage de fin d'études, c'est ce qu'il nous racontait, auprès des djihadistes. Voilà. Pour faire, après, son exposé, sa thèse sur le djihadisme. C'est presque un comportement de journaliste. Donc, mais sauf qu'il adhérait au truc, quoi. Il mentait très très mal et il avait été pris les armes à la main. Donc, j'ai été sur les mêmes terrains qu'elle, mais je ne crois pas, je ne l'ai pas rencontré, peut-être croisé. Ah, en tout cas, il ne lui a pas parlé. Votre livre s'appelle Une femme au front. Qu'est-ce que ça change d'être une femme au front? Et d'ailleurs, est-ce que ça change quelque chose? Vous voulez dire d'être une femme? Oui, d'être une femme. Ah, c'est toujours un atout. C'est toujours un atout, même dans les pays les plus conservateurs, les plus fondamentalistes. De toute façon, vous êtes un étranger. Donc, de toutes les façons, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, ça n'a pas d'importance. Mais je pense que quand on est une femme, peut-être... j'ai été dans des groupes islamiques très fondamentaux, notamment au Pakistan. Et quand on est une femme, ils se méfient un peu moins, peut-être. Ils pensent peut-être que je ne comprends pas tout, je ne sais pas. Mais... À un moment, ils viennent aussi me voir, me disent écoutez, voilà, il y a nos femmes qui sont de l'autre côté, elles aimeraient bien vous voir, discuter avec vous. Et moi, je passe de l'autre côté du miroir. Donc, c'est intéressant pour comprendre une situation. Vous voyez ? Et dans les dernières guerres, en plus, souvent, il n'y a plus d'hôtel. Donc, on va dans des familles. Et quand on est une femme, je sais parce que ce sont les garçons qui sont avec moi qui me le disent, quand il y a une femme, les gens se méfient moins. Ils nous accueillent davantage. Vous voyez ? Donc, je pense que c'est toujours un atout. Donc faut profiter de ce préjugé. Ouais, absolument. Hein, absolument. C'est utile. Ouais. Martine Laroche-Joubert, on va se retrouver dans 3 minutes après avoir écouté Delgré qui chante Bon Moine en charme. Martine Laroche-Joubert, vous avez couvert la Centrafrique, l'Afrique du Sud, Haïti. Vous semblez avoir un lien spécial avec le Moyen-Orient en général et je dirais la Syrie en particulier, c'est vrai? Et pourquoi? La Syrie parce que je suis allée en Syrie du temps du père, Hafez al-Assad, et franchement, je n'aurais jamais, jamais, jamais imaginé qu'un jour je franchirais les frontières de cet État clandestinement pour aller couvrir une rébellion. Jamais. Et j'ai commencé à couvrir la Syrie, je revenais de Libye, et à la rédaction, le printemps libyen, donc la lutte contre Kadhafi, tout ça, j'arrive à la rédaction et on me dit « Oh là là, il y a eu des émeutes à Dera, il faut partir tout de suite pour la Syrie, Hafez al-Assad va tomber, etc. » Ça m'aurait beaucoup étonné qu'Hafez al-Assad tombe parce qu'il était à la Ouït, il y a toute une communauté autour de lui, bon, enfin... Je suis partie. Et la première fois, j'y suis allée sous une fausse identité à Damas. Et j'avais pas pu faire grand chose. J'avais dit que j'étais professeure. Enfin, moi, j'avais pas pu filmer grand chose. Et après, j'ai décidé de couvrir la rébellion. Et évidemment, pour couvrir la rébellion, c'est pas le gouvernement qui allait me donner un visa. Donc voilà, il a fallu y aller clandestinement. Franchement, c'était difficile, hein, parce que il fallait franchir la première fois par les montagnes de l'Ouest, 9 heures, la nuit, sans lumière, hors des chemins, parce qu'il y avait les gardes frontières syriens. Par le Liban, vous êtes passé ? Non, je suis passée par la Turquie. Mmh. Par la Turquie, et c'était vraiment très très très très difficile parce que les passeurs, bon, on les a pris comme ça sur leur bonne tête, sur de vagues recommandations, mais après tout ils peuvent très bien nous vendre, hein, c'est, voilà, bon, ça s'est très bien passé. Et après je suis arrivée dans la ville de Homs, et dans cette ville, tout au début, il y avait des manifestations où il y avait des familles. J'habitais chez de jeunes étudiants qui étaient étudiants en anglais, certains en français, qui étaient vraiment comme vous et moi, qui étaient des gens cultivés, qui voulaient avoir une liberté d'expression, quoi. C'est ça qu'ils demandaient. Bon, et c'était emballant, comme aurait dit le directeur du New York Times. Mais après, petit à petit, ce qui a été vraiment douloureux, c'est que chaque fois que j'appelais à Homs, la personne avec qui j'avais été en contact était morte, et c'était quelqu'un d'autre qui le remplaçait. Il me disait, voilà, il est mort, mais je le remplace. Et ce que je voudrais dire aussi, sur toute cette révolution, en tout cas, même pendant plusieurs années, c'est que c'était pas des bandes de terroristes, c'était pas du tout ça. Quand on voit, quand je voyais des instituteurs qui, dans les caves, apprenaient aux enfants, essayaient d'apprendre à des enfants à lire, à écrire, alors qu'ils n'avaient pas de crayon, pas de papier, sous les bombes, quand je voyais les médecins qui opéraient sous les bombes également, quand je voyez un asile d'handicapés mentaux sur la ligne de front à Alep. Vous savez, normalement, les handicapés mentaux, souvent dans les conflits, ils sont laissés de côté, personne ne s'en occupe. Et je voyais des anonymes qui venaient pour s'en occuper, laver tout, leur donner à manger, avec des gens qui, évidemment, ne comprenaient rien de ce qui se passait. J'avais un de mes amis qui était clown. Et il aurait pu partir en Turquie. Et il est resté pour faire rire les enfants dans les hôpitaux. Et tous ces gens-là sont morts. Voilà, et c'est quelque chose de très triste. Cette révolution, après, elle a été gangrénée pour diverses raisons, mais je voudrais pas que tous ces gens soient morts pour rien. Et je me dis souvent que je finirai mon boulot quand, franchement, Hafez al-Assad tombra, vraiment. Bachar, Bachar al-Assad tombera, ouais, vraiment. Mais aussi, est-ce qu'il est comme son père, protégé par cette communauté alaouite? Ah, sans aucun doute, ouais. Donc, sans aucun doute, ouais. Ouais. Sans aucun doute, il est protégé. Je ne comprends pas très bien comment il vit. Je ne comprends pas très bien comment vit sa femme aussi, ses enfants. Sa femme, elle est ravissante. Est-ce qu'elle l'aime encore? Est-ce qu'elle est au courant de ce qui se passe dans le pays? Sur les photos, elle a l'air amoureuse. En plus, elle a eu un cancer. On la voit sans cheveux, donc avec une certaine dignité. Et elle vit avec un dictateur barbare. Où est l'amour dans tout ça? Est-ce qu'elle l'aime malgré tout? Ça, ce sont des choses qui aussi m'intéressent. La dernière fois, vous êtes allée en Syrie, c'était quand? Ça remonte à 2015. Mmh. Ça remonte à 2015. En plein chaos. Oui, en 2015. Et il y a eu l'intervention russe qui a changé la donne. Aggravé les choses. L'intervention russe, elle a fait basculer le pays, c'est-à-dire que sans l'intervention russe, Bachar al-Assad serait tombé. Je ne sais pas ce qui sera arrivé ensuite, hein, mais ça c'est sûr. Ouais. Alors quel est votre regard sur non pas le conflit, si, le conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais la façon dont c'est couvert également, la façon dont cette guerre nous est présentée. Alors, en 2014, j'avais couvert le Donbass, hein, les débuts de la guerre, ouais. Dans le Donbass, où c'était très curieux, c'était vraiment méchant contre méchant. Hein. Enfin, j'avais l'impression de retomber dans l'Union soviétique, dans le Donbass. Vous voyez, avec des babouchkas prêtes à vous dénoncer, des types un peu bas de plafond, et en même temps des types assez durs, parce que c'est une région minière, donc voilà, des types, voilà, mais un peu limités, disons. Et en face d'eux, il y avait ceux qu'ils traitaient de nazis, et en effet, il y avait les prémices du bataillon Azov. Et certains avaient des insignes qui ressemblaient beaucoup à des croix gammées. Bon, maintenant, quand Poutine accuse tous les Ukrainiens d'être nazis, c'est n'importe quoi. Non, je trouve que ce conflit est plutôt bien couvert par les journalistes, vraiment. Hein. J'aimerais y être, mais si j'y étais, il faudrait quand même que j'apporte quelque chose, que j'ai une idée originale, parce que toutes les rédactions envoient beaucoup de journalistes. Et j'ai rencontré de jeunes journalistes qui voulaient vraiment y aller. Et je leur ai dit, attention, je comprends que vous voulez y aller. Je le comprends, moi aussi, j'aimerais y aller. Mais qu'est-ce que vous allez apporter, voyez ? Et en plus, c'est dangereux. Et ça va vous coûter cher, parce que avoir une voiture, avoir un fixeur, le chauffeur de la voiture... Alors, un fixeur, on le dit pour les auditeurs, c'est une sorte de guide, en fait. Oui, c'est une sorte de guide. Sans lui, sans elle, on peut pas. Voilà, c'est celui qui vous aide à passer les barrages, à vous dire, il faut aller à tel endroit, là c'est dangereux, attention, retirez-vous. Tout ça, ça coûte énormément d'argent. Ouais. Donc, pour les jeunes journalistes enthousiastes, et je les comprends, il faut quand même qu'ils sachent ce qui les attend. Alors, je vais vous poser une question infernale pour terminer, avec toutes ces expériences professionnelles que vous avez vécues et qui sont forcément des expériences humaines. Hein. Qu'est-ce qui revient presque par réflexe comme les moments les plus forts que vous avez connus? Est-ce que c'était dans cette région du Moyen-Orient? Écoutez, parmi les moments très forts, il y a sans aucun doute Sarajevo. Ah. Et Sarajevo, c'était complètement différent de l'Ukraine aujourd'hui. Et pourtant, ça semble y ressembler, mais c'est différent. C'était complètement différent dans la perception que les gens en avaient. Vous voyez, pour nous journalistes, c'était un siège. Il y avait une unité de lieu. C'était presque un rêve de journaliste, avait dit aussi un journaliste du New York Times. Et c'était vrai. Mais en revanche, quand je revenais en France, les gens étaient hostiles. Mais pourquoi vous montrez des horaires pareils dans le 20h? On n'y comprend rien. C'était pas très difficile à comprendre, etc. Et j'avais l'impression que c'était parce que ces gens leur ressemblaient tellement qu'ils ne voulaient pas se voir en miroir. Et pourtant, guerre en Ukraine, on est dans les appartements des familles. Exactement, et ce sont des gens qui sont exactement comme nous. Je pense que ce qui joue, c'est peut-être la peur. Que les gens ici se sentent davantage concernés parce qu'ils ont peur. Ils ont peur parce qu'il y a la Russie, qui est une puissance nucléaire, peut-être. Peut-être qu'ils sont... Disons, je ne sais pas trop, je ne sais pas pourquoi il y avait ce rejet de l'ex-Yougoslavie et l'Ukraine, c'est exactement le contraire, vous voyez ? Ouais. Et ça me rend quelquefois, je trouve ça très bien que les gens accueillent les Ukrainiens et tout, mais j'avais vu un dessin de Coco dans Libération où on voyait des Syriens, Africains qui quittaient les guerres, qui traversaient la mer sur une coquille de noix et qui arrivaient en France. Et on leur disait, quand ils arrivaient, qu'ils se noyaient pas quand ils arrivaient, en mer. Et on leur disait, ah non, pas vous, parce que les Ukrainiens, ils sont tellement courageux. On voyait les Ukrainiens qui faisaient on voyait les Syriens qui faisaient une toute petite tête, tout déçus. Bah, y a de quoi, oui. Les enjeux, c'est pas un jeu, c'est un enjeu pour la vie de ces gens-là. Merci infiniment, Martine Larjouber. Donc, je renvoie les auditeurs à la lecture de votre livre, Une femme au front. Merci. Merci. Au revoir. Affaires sensibles aujourd'hui, Khalifa, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Louis Audebert.